Yungo la pite pari, o pite mal con bebe, le mi venton pe bali. Un bebe kapkazuye, na kose kose kose, li di mwen pap sarete, paske l gen etranje, paske l gen etranje. Cherchez pas, j'aime dormir sans souper. Moi, vin rete m'pa parler. Oui, moun se mak te rentre. Tant qu'on kabrit kampetre. C'est qu'on sa m'leve m'pralé. Nan saute, saute, saute. Glisse m'tombe, pied m'kase. M'oblige à l'éterne. M'oblige à l'éterne. Mon lagay bien negete, yo pat kon kote male, Radio Karayibana, yo jwenn mwen nan kwen sans am, maman paret pou gade, le lwen nan eta kebe, li tombe l'indispose, tombe l'indispose. Radio Karayibana, yo jwenn mwen nan kwen sans am, maman paret pou gade, le lwen nan eta kebye, li tombe l'indispose, tombe l'indispose. Papa, ça passe comme ça. Oh oh, c'est rêve, moi, ma fille, vous comprenez? Alors, moi-même, mettez mon petit Jean, vous comprenez? Mal fait la plus barre, moi. Je vais prendre mon petit Jean, puis en ordre, vous comprenez? Oh oh, l'aime garder. Ah, moi, mon baron. Vous comprenez? Moi, quoi?